Toutes ces évidences. À toutes ces manigances. Sa révérence, non, on n'y compte pas. Sortira de là, non, on n'y compte pas. N'en ne crois pas que les gens auront pitié de toi. Non, on n'y compte pas. N'en ne compte pas. N'en n'y crois pas. Non, n'y compte pas, non, ne pleure pas, non, ne crois pas que les gens auront pitié de toi, non, n'y compte pas, non, n'y compte pas. Thank you. au miracle et que l'argent te comblera. Te transcendera pas, non, n'y compte pas, non. Ne crois que en toi, ne compte que sur toi, ne compte que sur toi, ne compte que sur toi, ne crois qu'en toi. Ne crois qu'en toi, ne crois pas.